actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrez, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Les années 60, elles commencèrent en 1960. En 1960, on parlait, on chantait, on dialoguait, on plaisantait comme en 1960. Ce qui n'est pas très précis, certes. Du reste, qui est ce « on » ? Un speaker, comme on disait alors, de la radiodiffusion nationale ? Un chanteur, bientôt un yéyé, pour qui un parolier allait adapter des tubes venus d'Amérique. Une comédienne du français, une actrice de Godard, un chanteur déjà mondialement célèbre. En 1960, on parle de 1960. Sauf que, en 1960, il y a les anniversaires. En 1960, déjà, on se penche sur le passé. En 1960, on célèbre un centenaire, pas une personne, mais une ville. Enfin, plus précisément, on célèbre l'anniversaire du rattachement d'une ville à la France. Prétexte à une causerie, une conférence, les deux peut-être. En tout cas, l'heure est sérieuse et le ton très digne. Voici le programme de notre émission, Hommes et événements. Jean Toscane nous lit d'abord la chronique de M. Robert Lolland, Nice dans la vie française, 100 ans après le rattachement. La commémoration du centenaire du rattachement du comté de Nice à la France nous avait donné l'occasion d'entendre à l'Institut Napoléon une remarquable étude de M. René Fatou, conseiller d'État, parent de l'amiral, sur les circonstances du triomphal plébiscite de 1860, d'après des documents inédits. À l'Académie des sciences morales et politiques, c'est encore un Niçois, M. René Cassin, membre de cette compagnie, vice-président du Conseil d'État, et président de l'Alliance israélite universelle, qui a exalté les conséquences de ce rattachement dans une communication très appréciée par ses pairs. Comment, en moins de deux générations, la cité niçoise, dont le nom Niké, qu'elle doit aux Grecs, ses fondateurs, signifie victoire, cité déjà réputée mais modeste et isolée avec son admirable et pauvre arrière-pays du reste de la France, est-elle devenue le chef-lieu d'un département de plus en plus peuplé et riche, puis une des plus grandes villes de France, et enfin la métropole de la région originale dite des Alpes-Côte d'Azur, qui, dans la vie de la France et sur le plan international, occupe une place exceptionnelle. M. René Cassin, mettant au premier plan les facteurs moraux, a d'abord montré l'influence exercée par la manière humaine et amène dont la France a pu achever la conquête des cœurs, déjà attirés vers elle par la géographie, l'histoire, la langue et les idées de liberté. Le patriotisme des populations des Alpes-Maritimes s'est affirmé dès 1870 et n'a fait que grandir dans la prospérité, comme dans le temps des épreuves, ainsi que l'ont prouvé l'héroïque défense de Menton et le sacrifice des maquisards de Sospel. En second lieu, le communicant a indiqué que l'intégration intime et rapide de Nice dans le giron de la France est due pour une part à la beauté naturelle des Alpes-Maritimes, à leur climat et au caractère accueillant de leur population, mais aussi au développement prodigieux des voies de communication par le chemin de fer, la route, la mer et l'air. Il faut environ une heure pour aller en caravelle de Paris à Nice. Ces conditions permettent à un nombre croissant de voyageurs de visiter la région et aussi de s'y fixer. Ce brassage de population ainsi accompli fait que, malgré le pourcentage assez élevé d'étrangers en résidence ou de passage, les racines françaises de Nice plongent dans les provinces les plus diverses et les plus reculées. La Côte d'Azur est devenue, après Paris, la seconde petite patrie d'un grand nombre de familles françaises. Si la Côte d'Azur a le premier rang en France et même en Europe pour l'industrie du tourisme, celle des parfums et de la fleur coupée, elle occupe aussi un rang honorable dans la construction, la haute couture, la confection, l'ameublement et les métiers d'art. Ses habitants viennent les premiers après ceux de la Seine, pour les placements à la caisse d'épargne, le nombre relatif des automobiles et le montant des impôts directs. Bien avant de recevoir des masses de visiteurs, Nice et sa région ont accueilli et continuent d'accueillir des souverains, des hommes d'État, des artistes, des écrivains et des capitaines d'industrie. De nombreux intellectuels venant chercher chez elle le repos ou l'inspiration. Mais Nice n'offre pas seulement à ses hôtes la douceur de vivre. Dans les travaux de la paix, ses élus ont accompli de grands efforts d'urbanisme. Certains ont été appelés au gouvernement. Surtout, Nice a vu s'accroître son rôle de centre d'accueil mondial et d'expérience hardie avec Santos Dumont, les capitaines Ferber et Étienne, Serpollet et son moteur à vapeur, et combien d'autres pionniers de la science et du sport. En 1935, Paul Valéry, fondateur, avec le maire de la ville, M. Médecin, du Centre universitaire méditerranéen, y a reçu les philosophes et les penseurs les plus fameux de l'époque. Ces derniers mois, la science astronautique y a tenu ses assises. Moyennant quelques aménagements de structure, la région niçoise, enrichie d'une université, d'une cour d'appel et d'un centre de tourisme, pourra faire face à sa mission de haut lieu de civilisation européenne. Et ce jour-là, elle aura pleinement mérité le nom de Victoire que les Grecs lui ont donné, comme par anticipation. C'était une causerie de M. Robert Lolland. Nouvelle vague, une petite MG, trois compères, assis dans la bagnole sous un réverbère, une jambe ou deux par-dessus la portière, là. Nouvelle vague, trois mignonnes approchent fort bien balancées, elles chantent une chanson. Voilà nos trois pépères, soudain tout éveillé par cette nouvelle vague. Pas mal du tout. Oh, ça c'est un sacré coup. Allez, frère, on leur paye un coca. Moi je fais la grande blonde. Moi je prends la petite roue. Et les gars, oubliez pas. Nouvelle vague. On boit, on pose, on rit, on danse. Mais faut garder cette indépendance de la nouvelle vague. Nouvelle vague. Assis dans leur bagnole sous un réverbère, lisent leur canard d'un air très fier. Nouvelle vague, nouvelle vague. Et dans ce canard, qu'est-ce qu'on y lit? Des tas d'histoires écrites par des gens racis, donnant des coups de griffe avec des pies sur la nouvelle vague. France Culture, les années 60, aujourd'hui 1960. Nous suivons au gré de nos trouvailles et de nos fantaisies des bribes de l'année 1960, des moments de radio, des timbres de voix, des genres particuliers, uniques ou exemplaires. De qui pouvaient donc bien parler les chansonniers du grenier de Montmartre dans leur rétrospective de l'année 1960? On se le demande. Allô, monsieur, en avril, un d'entre vous a répondu à un député. Oh, madame, ce renseignement est bien vague. Nous répondons si souvent à des députés. Oui, mais là, souvenez-vous, il s'agissait d'un député qui avait dit « Ne serait-il pas possible de trouver des chansonniers susceptibles de faire rire sans parler du général ?» Ah, en effet, madame, je me souviens, oui. Le chansonnier était Jacques Cathy et le député s'appelait Mingui. Oui, pourriez-vous repasser cette chansonnette histoire de faire enrager un peu plus monsieur Mingui en la lui offrant de ma part? Eh bien, volontiers, madame. De la part de qui? Je suis madame Mingui. Oh, comment? La femme du député qui se plaignait précisément? Oh oui, oui, faites-moi plaisir, passez la chanson. Faut tout le temps qu'il rouspète celui-là, alors ça lui apprendra. Eh bien, parfait, madame. Alors, voici Jacques Cathy. Qu'il est de tradition de proclamer qu'en France, tout, absolument tout, finit par des chansons, un homme, un événement, n'offre de l'importance au regard de l'histoire qu'à cette condition. Dites-vous, monsieur Mingui, oh vous que cela choque, nul ne se souviendrait du bon roi Dagobert si quelque chansonnier n'avait à cette époque mis en vers son histoire de culotte à l'envers. Et c'est pourquoi il est normal que nous parlions du général. Vous voulez, monsieur Mingui, qu'on fasse rire le monde avec d'autres sujets? Nous, on demanderait pas mieux. Voyez, je parle de vous. Aujourd'hui, sur les ondes, ben, ça fait rire personne, pas même un tout petit peu. Vous demandez au ministre, dans une question écrite, si on ne pourrait pas trouver d'autres chansonniers. Je pense qu'en cherchant bien, mais j'ajoute très vite qu'on pourrait bien aussi trouver d'autres députés. En attendant, il est normal que nous parlions du général. Si nous ne parlions pas, nous autres, du grand Charles, alors c'est à mon tour de poser une question. De quoi, monsieur Mingui, voudriez-vous qu'on parle? De l'alimentation ou des contributions? Certains jours évoquant le destin de la France, monsieur Paul Reynaud a prononcé au dessert une phrase bien sentie, constatant notre chance. Il a dit, quand on a un De Gaulle, on s'en sert. Et c'est pourquoi il est normal que nous parlions du général. Oui, les chansonniers, les journalistes de presse écrite, de radio et de télévision, tout le monde parlait du général. Différemment, sans doute, sur les ondes de la radio nationale et dans les cabarets. Les faits et gestes du président de la République occupaient, bien entendu, les pages politiques des journaux radio diffusés. Pour échapper à qui vous savez, il fallait peut-être écouter les reportages sportifs durant le Tour de France, par exemple. Voir. Jules Ladoumègue, les sports, aujourd'hui, avant-dernière étape du Tour de France. Oui, eh bien vous savez d'abord que chaque soir, le Tour de France nous offre ici, à cette émission, son homme du jour. Ce soir, nous allons avoir un homme du jour un peu édition spéciale, un spectateur de grande marque, mais nous allons laisser à Georges Briquet et à Jacques Godet le soin de nous apprendre pourquoi le Tour de France est arrêté aujourd'hui, quelques instants, dans un petit village de France déjà très connu. Vous savez que tous les soirs nous présentons un homme du jour, un homme du jour, l'homme du jour c'est un coureur d'habitude. Et bien ce soir, l'homme du jour c'est Jacques Godet. Jacques Godet qui a réussi un exploit extraordinaire aujourd'hui en faisant arrêter le peloton dans la traversée de Colombes et les deux églises pour saluer le général de Gaulle, président de la République française. Ça s'est passé comment, Jacques Godet? Je pensais que le général pouvait être dans ce samedi après-midi chez lui à Colombes et les églises. J'ai appris 4 km environ en passant les deux églises que le général trouvait présent sur la route. Il était venu, il voulait rester dans sa voiture et puis l'envie lui a pris de monter au sommet de cette petite côte qui suit Colombes et les églises et de se mêler là aux habitants, à cette population qui le connaît bien et qui l'aime bien. Aussitôt donc que j'ai appris ça, j'ai traversé le peloton qui, par chance aussi, n'était pas en train de se bagarrer, alors que, vous le savez, aujourd'hui, c'était la partie très alerte, mais il y avait un moment de répit, comme je pouvais l'espérer, et j'ai prévenu les coureurs que nous allions faire une neutralisation de 30 secondes, et j'aurais dit la raison. Cette raison, ils l'ont tout de suite très bien comprise, et ils ont manifesté visiblement une grande joie et une satisfaction, ils se sont sentis honorés. Aujourd'hui, notre émission Soyez les Bienvenus reçoit Dalida. Dalida est là. Bonjour Dalida. Bonjour. Et pendant une heure, je peux faire ce que je veux, n'est-ce pas, c'est ça? Absolument. Et je peux faire entendre aux gens ce que j'aime. Oui, et inviter qui vous voulez. Et inviter tout. Eh bien, c'est merveilleux. Et dire ce que vous voulez. Aussi. Enfin, dans les limites de la décence, que vous ne dépasserez sûrement pas. Oh, mais pas. Ça, bien sûr. Mais je vous fais confiance là-dessus. Alors, est-ce que vous avez une idée tout de même de ce que vous voulez faire pendant cette heure? Eh bien, mon Dieu, moi, vous savez, quand j'écoute la radio, enfin, quand j'ouvre mon poste, j'aime la musique, j'aime entendre la musique. Alors, je crois que je vais donner le maximum de musique pour les auditeurs. Très bien. Mais je suppose que vous allez tout de même faire venir quelques invités à vous. Oh, oui, je vais faire venir quelques amis. J'en ai beaucoup. Ils ne seront pas tous là. Je ne crois pas, oui, qu'ils pourront venir. Mais quelques-uns, sûrement, je vais les présenter au public. Et je regrette que je n'ai pas aujourd'hui avec moi Bob Azam, parce que c'est un grand ami à moi, mais il n'a pas pu venir. Mais je voudrais quand même vous parler de son grand succès, Mustapha, que tout le monde connaît. Cette chanson, je l'avais amenée moi du Caire, mais je me disais quand même, c'est pas possible, je peux pas chanter « Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa del pomodoro », vous me voyez. Ou alors « Tu m'allumais avec une allumette et tu m'as fait perdre la tête ». Je pouvais vraiment pas chanter. Alors je dis quand même, l'orchestre c'est plus facile pour un orchestre, ils peuvent chanter n'importe quoi. Mais quand même, dans le disque, j'ai quand même participé. D'ailleurs, je vais vous le faire écouter et vous allez voir où c'est. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa des pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa des pomodoro. Y'a Mustapha, y'a Mustapha. Vous entendez? Bien voilà. Là, la personne qui tape demain, c'est moi. تعال يا مصطفى يا ابن السرحان كيف تعمير عجمي ولفي على الجيران ولما يجي كيفو كيفو يشرب على كيفو كيفو لما يجي كيفو كيفو يشرب على كيفو كيفو يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى سبع سنين في العطارين للوقت يجينا شي ماكسيم Quand je t'ai vu sur le balcon, tu m'as dit viens me chanter une chanson. Quand je t'ai vu sur le balcon, tu m'as dit viens me chanter une chanson. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa des pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa des pomodoro. Ya Mustapha, ya Mustapha. سبع سنين في العطارين دلوقتي جينا شي ماكسيم Tu m'as offert une bonne cigarette et tu m'as fait perdre la tête Tu m'as offert une bonne cigarette et tu m'as fait perdre la tête Chérie je t'aime, chérie je t'adore comme la salsa des pomodoro Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa des pomodoro. Ya Mustapha, ya Mustapha, ana bahibbek ya Mustapha. Ya Mustapha, ya Mustapha, ana bahibbek ya Mustapha. سبع سنين في العطارين, دلوقتي جينا شي ماكسيم. تعال يا مصطفى. Je vais vous parler de ma vie quotidienne. Vous allez voir comment je passe une bonne partie de ma journée. Et je crois que vous devez vous en douter, je la passe en cherchant des chansons. J'en reçois une quantité par la poste et j'ai aussi beaucoup, beaucoup d'amis qui viennent me montrer leurs chansons à la maison chez moi. Aujourd'hui, c'est le cas de Marie-Josée Neuville que voilà. Bonjour. Bonjour. Avant toute chose, Marie-Josée, je voudrais vous poser une question. Pourquoi vous n'avez pas des chansons chantées par des autres ? Eh bien, parce que jusqu'à présent, j'ai écrit des chansons essentiellement pour moi, peut-être en égoïste, mais ça retraçait plutôt des souvenirs d'enfance même, et je ne voyais pas tellement d'autres interprètes. Mais vous savez que moi, j'aimerais bien chanter une chanson de vous. Non, c'est vrai. Mais oui, pourquoi pas, il faudrait me montrer. Est-ce que vous avez peut-être remarquez, des chansons qui m'aillent. Remarquez, aujourd'hui, je suis venue en voisine, en amie, et le fait de venir en chanteuse devant une chanteuse, ça me donne le trac. Dites-moi, voilà, il y a une chose. J'ai cru vous entendre fredonner une chanson en rentrant ici. J'aimerais bien l'écouter, celle-là. Ah oui, ah mais celle-là, alors là, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que vous êtes rentrée, puis vous chantiez comme ça, enfin vous chantonnez, et ça me paraissait très joli, c'était très commercial, comment on dit, orecchiable. Oui, oui, commercial, enfin je ne sais pas, si c'est très commercial. Bon, bah, écoutez, moi je veux bien vous... Allez-y. Elle est pas du tout au point, parce que d'abord elle n'est pas finie, elle n'a pas de titre. Sans faire rien, comme ça, c'est un baptême alors. Et c'est un tout petit échantillon. Du soleil de l'horizon se reflète dans une larme de 15 ans. Ça vous plaît? Oui, j'aime bien. Recommencez, je vais la chanter un peu avec vous. Oui, d'accord, on repart. Hein. Oui. Mais attends, je ne sais jamais quand je pars. Je pars peut-être. Mais sans faire, mais moi je vous suis d'ailleurs, je ne la connais pas. Je vais vous suivre. Un petit rayon du soleil de l'horizon se reflète dans une larme. Parce que vous savez, quand j'entends les chansons, il faut qu'il y aille quand même à ma voix. C'est pour ça que je les essaye quand même. Mais c'est très joli. C'est là, comment qu'elle s'appelle? Et je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, non. Eh bien, on va lui trouver un nom. Je l'appelle familièrement Le Petit Rayon. Mais c'est joli, Le Petit Rayon. Eh bien, il faudrait l'appeler comme ça, pourquoi pas? Je ne sais pas. Alors, je trouve que c'est le plus difficile, d'ailleurs. On l'appelle Le Petit Rayon ou pas? Au revoir. Au revoir, merci. Comme vous pouvez entendre chez moi, tout le monde s'amène, qui en chantant ou qui jouant de l'harmonica, comme mon ami Albert Resner. Come stai, Alberto? Va bene. Good evening, come Dalida. Stai? How are you tonight? Eh bien, qu'est-ce qu'on a à se parler comme ça? Non, mais je suppose que Dalida, tu parles italien parce que tu rentres d'Italie. Oui, mais bien, tu es formidable, tu as deviné. Et je crois que toi, alors, tu dois rentrer d'Amérique. C'est la même maladie, je rentre d'Amérique et je parle encore l'anglais. Un cadeau pour toi que je rapporte d'Amérique. Qu'est-ce que c'est mignon? Mais qu'est-ce que ça, c'est une écureuil? Oui, c'est Alvin. Oh, que c'est joli. Mais tu es très gentil, bien que je t'embrasse. C'est un porte-bonheur. Voilà, il faut que je te raconte cette histoire. J'ai rencontré Alvin dès le premier jour quand je suis arrivé à New York et j'ai vu les enfants qui avaient sur le maillot de corps ou sur le pyjama ou sur le pardessus ou sur le blouson un grand écureuil dessiné avec Alvin, c'est-à-dire Alvin. Oui. Et ce petit écureuil est un personnage de dessin animé qui a fait vendre en Amérique 8 millions de disques en quelques semaines. Eh bien, c'est extraordinaire. Et alors, ce petit écureuil m'a doublement intéressé parce que c'est un petit garnement. Chaque fois qu'il doit chanter une petite chanson, il prend son harmonica et puis il joue. Alors, le professeur de chant est en colère et Alvin, finalement, joue plus fort que tout le monde et il transforme les petites chansons en tcha-tcha-tcha. Alors, j'ai pensé absolument que j'acclimate le petit Alvin en Europe et j'ai trouvé ce petit personnage là en matière plastique qui est un porte-bonheur et c'est pour ça que je l'ai apporté ce soir. Mais qu'est-ce que tu es gentil, il est ravissant. Il est mignon, les petites oreilles pointues. Il est tout petit, il est orange, il est merveilleux. Spirituel. Mais dis-moi, je voudrais bien savoir tes projets maintenant, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien tu sais que je compose de la musique de film. Ah, mais dis donc, on est un peu enfin dans le même cas. Moi, je commence à faire du cinéma, toi, oui, tu commences à faire... Oui, mais je t'ai déjà vu dans quelques films. Mais écoute, un jour, je te ferai une belle musique de scène. Là. D'accord, Un film d'action ou alors un blues, je te ferai une belle musique de scène. Eh bien, voilà que nous avons beaucoup de travail sur la planche. Hein. Pas sur la planche, oui. Mais attends, mais ne t'en va pas, voyons. Écoute, tu vas me faire écouter ton disque, Alvin, là. Oui, tu veux bien? Oui, et puis pendant ce temps-là, comme ça, on se reposera. D'accord. Alors, nous écoutons Alvin, pose ton harmonica. Alvin, pose ton harmonica, mon petit. Pourquoi? Parce que nous allons chanter, voilà pourquoi. Chanter? La barbe! Allons, nous allons chanter une très jolie petite chanson, bien gentiment. Tu es prêt, Simon? Oui. Et toi, Théodore? Toujours prêt. Et toi, Alvin? Ah, tu es prêt, Alvin? Alvin. Alvin! Fais-moi le plaisir de poser cet instrument et de chanter avec nous. Ok. Eh bien, cette heure s'achève avec regret, mais si vous avez les mêmes goûts que moi, je crois qu'on a passé ensemble une heure très agréable. D'ailleurs, je dois dire merci à tous les amis qui sont venus à ce micro. Merci à vous, Dalida, et à bientôt. Vous avez été la bienvenue dans notre studio, vous et vos invités. Ainsi se termine notre émission Soyez les bienvenus, dont je vous le rappelle, Marcel Dinin est le producteur et votre serviteur, Gérard Herzog, le réalisateur. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins. Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi? Son petit itty-bitty tini-wini. Voilà ce qui arriva. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Son petit itty-bitty tini-wini. Savez-vous ce qui arriva? Elle doit maintenant s'élancer hors de Londres. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. Un, deux, trois, elle a peur de montrer quoi? Son petit itty-bitty tini-wini. Vous amuse, on peut la recommencer. Si c'est pas drôle, je m'excuse. En tout cas, c'est terminé. France Culture, les années 60, bien sûr l'année 1960. Première année de la décennie, donc symboliquement une année où on devait le vouloir et donc le croire et peut-être le redouter, tout allait changer. Du reste, c'est un fait, ce sont des faits et des chiffres. Le commerce, par exemple, allait évoluer en France. Et la France, là, comme en tout domaine, se devait d'être à la pointe du progrès. Des faits, des chiffres. Le magazine de l'économie française, réalisé et présenté par Victor Simsen et Robert Pouillet. À notre sommaire, M. Guy De Vos, commissaire général du Salon de l'équipement des commerces, nous souligne le succès de celui-ci, dont le thème était le magasin moderne. Procéder à l'installation d'un nouveau magasin, transformer, moderniser un local commercial ancien, cela suppose réflexion. Sans doute, de nombreux commerçants vont-ils puiser quelques idées à la source, entendez par là le Salon de l'équipement des commerces qui se tient habituellement à Paris chaque année, au début de l'automne. Mais cette année, en dépit du vif désir qu'ils avaient de le visiter, certains commerçants, trop éloignés de la capitale, ont dû y renoncer, et cela avec d'autant plus de regret que le thème général de ce salon était le magasin moderne. Ce qu'on y présentait D'ailleurs, M. Guy DeVos, commissaire général de ce salon, veut bien nous le rappeler. Notre salon annuel intéresse, vous le savez, tous les commerces et toutes les formes de commerce, qu'il s'agisse de petits, de moyens ou de grands magasins, ou même de supermarchés. Quelles ont été les remarques principales qui ont été faites ? Eh bien, les spécialistes et usagers ont remarqué chez les fabricants cette année une tendance marquée vers l'amélioration de la qualité des meubles, un souci accru de l'élégance et des recherches nombreuses sur le plan des perfectionnements techniques destinés à rendre le magasin toujours plus pratique, plus fonctionnel, afin d'atteindre le double but de simplifier son travail aux commerçants et d'apporter plus de facilité, de confort, d'agrément à la clientèle. Et si j'ai bonne mémoire, votre salon présentait cette année plusieurs magasins pilotes, 13 d'ailleurs je crois, entièrement équipés. Oui, c'est exact. Dont trois épiceries, une cave, un libre-service de 80 mètres carrés, une pharmacie, une blanchisserie, une teinturerie, deux merceries dont l'une en libre-service, une droguerie également en libre-service et enfin une section de meubles spécialisée pour l'équipement de supermarché. Les présentations groupées, celles du froid et d'équipements de supermarché notamment, ont attiré de très nombreux visiteurs, dont des directeurs de grandes chaînes, de grands magasins, de maisons à succursales. Et parmi vos visiteurs, M. DeVos, il y a eu sans doute de nombreux étrangers. Oui, il y a eu également beaucoup d'étrangers venus de tous les pays du monde, d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, de Grande-Bretagne, d'Espagne, d'Italie, des Balkans et même d'Amérique du Sud. Cette marque d'intérêt se justifie par le fait que la France est à la pointe du progrès en ce qui concerne les équipements commerciaux de toute nature et que le Salon de l'équipement des commerces de Paris est le seul en Europe à présenter une gamme aussi complète de meubles ou d'installations. Quelle tendance, selon vous, se dégage actuellement en ce qui concerne les formes nouvelles de commerce ? Eh bien, parmi ces tendances, j'en citerai deux. Premièrement, celle du supermarché. Plusieurs importantes sociétés viennent de se constituer en France pour créer des supermarchés dans la région parisienne et en province. Et secondo, pour réagir contre cette nouvelle organisation, les petits commerçants se groupent et modernisent leurs installations afin de pouvoir lutter plus efficacement contre une concurrence qu'ils estiment, à tort ou à raison, dangereuse pour leur existence même. Oui, cela se comprend, mais quels sont les impératifs dont doit tenir compte un commerçant qui veut bien organiser son magasin ? Eh bien, cela dépend évidemment de la nature du commerce. Oui, certainement. On peut cependant dégager un certain nombre de principes qui sont valables pour toutes les formes de commerce. Qui sont valables pour toutes les formes de commerce, notamment Primo, la vitrine et la façade doivent être largement ouvertes. L'implantation et le mobilier étudiés en fonction du mode de vente et des produits à vendre. Enfin, l'éclairage, la couleur et l'ambiance sont également une très grande importance. D'après ce que vous venez de dire, la vitrine tend à disparaître de plus en plus. Oui, la vitrine en tant que telle, c'est-à-dire la vitrine fermée devant le magasin, tend à disparaître. Ce n'est pas une idée très nouvelle, mais qui se confirme d'année en année. Les objets disposés en vitrine ne doivent pas masquer le magasin. La conception du magasin entier, vu de l'extérieur, se révèle comme excellente. Et maintenant, voulez-vous nous dire quels sont les prolongements de l'action de ce salon ? Les prolongements de l'action de notre salon se traduisent dans les premiers mois et pendant toute l'année par de nombreuses commandes de commerçants qui sont venus le visiter et qui s'adressent directement aux installateurs. Éditez-vous des revues ? Oui, nous éditons d'autre part deux revues spécialisées relativement récentes intitulées « Libre-service et supermarché » qui étudie tous les problèmes propres à la technique du libre-service. L'autre, « Le magasin moderne » qui traite d'une façon générale, de tous les problèmes de modernisation et d'équipement du magasin, elle intéresse particulièrement le petit commerce. La permanence assurée par notre administration et nos revues, ainsi que les autres revues professionnelles, permettent ainsi de prolonger durant toute l'année le courant de modernisation suscité par le Salon de l'équipement des commerces. Notre magazine est terminé. Nous vous prions de prendre l'écoute tous les mardis et tous les vendredis sur l'ensemble des émetteurs du programme National France 3 de 7h30 à 7h45. Vous venez d'entendre Des faits, des chiffres, le magazine de l'économie française réalisé et présenté par Victor Simsen et Robert Pouillet. Notez notre adresse, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, bl passe. Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse. Blond, blond, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Quand j'ai besoin de vacances, je m'embarque dans tes yeux. Bleu, bleu, comme un ciel immense. Et nous partons tous les deux. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse. Blond, blond, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Quand le vent claque la toile de ton joli jupon blanc, blanc, blanc, comme une voile, je navigue éperdument. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse. Blond, blond, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Tes cheveux d'un blond de rêve déferlent en flot léger. Blond, blond, sur une grève où je voudrais naufrager. Eh ouais. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse. Blond, blond, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. Blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. En début d'émission, nous avons évoqué la semaine des barricades, janvier 1960. Nous voici en novembre, le 1er novembre, jour férié. Nous allons prendre plus de temps pour écouter un journal d'information. Il sera question du procès à venir des barricades d'Alger, donc, mais aussi de littérature et de censure. Ça ne se passe pas en France, bien sûr, mais également d'une naissance royale ou impériale. Et enfin, d'une femme pilote et de ses souvenirs. Interactualité. Jean Lefebvre au micro. Ouverture demain devant le tribunal des forces armées du procès des barricades. Un épisode douloureux de l'histoire de notre pays, un épisode sur lequel reste évidemment sensibilisé une large fraction de l'opinion. Voyons d'abord les faits. Frédéric Potcher, vous étiez cet après-midi au tribunal où se préparent les audiences, dont vous nous rendrez compte dans les jours qui viennent. Quel est le cadre de ce procès ? Eh bien, c'est dans la grande et très belle salle de la cour d'assises de la Seine, où a été jugé jadis Zola, où a eu lieu le procès des fuites, que s'ouvre demain le procès dit du complot, c'est à savoir le procès de 20 personnes accusées d'avoir le 20 janvier 1960 à Alger fomenté un attentat dont le but était soit de détruire, soit de changer le régime constitutionnel, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'État. Ce sont là les termes mêmes de l'article 86 du Code pénal. Le tribunal des forces armées sera présidé par le président de la 17e chambre de la Cour d'appel de Paris, M. André Thiriet, dont on rappelait avant-hier et hier et encore tout à l'heure dans les couloirs du palais de justice la très courageuse attitude durant l'occupation. Il faut rappeler que M. Thiriet est le petit-fils de M. Pierson, député protestataire lorrain, qui déserta en 1916 l'armée allemande dans laquelle il avait été enrôlé de force. Le général Gardon soutiendra l'accusation comme il le fit déjà dans l'affaire dite des fuites. Ajoutons que des mesures d'ordre tout à fait spéciales ont été prises par les autorités militaires pour ce procès qui sera suivi par environ 100 journalistes, dont une trentaine de la presse étrangère, et pour lequel près de 400 témoins sont convoqués à Paris. Première audience demain à 13h. Demain à 13h, oui. Et nous vous aurons régulièrement dans nos émissions d'interactualité pour rendre compte des différentes audiences. Actualité internationale. Eh bien, ce soir, nous allons parler, Maurice Werther, si vous le voulez, de la campagne électorale américaine. On vote aux États-Unis, en effet, dans 6 jours maintenant. La campagne pour les élections présidentielles prend une allure de plus en plus spectaculaire, c'est-à-dire, au fond, de moins en moins politique. Oui, ainsi, à Las Vegas, capitale de l'État du Nevada, paradis des joueurs, les bookmakers commencent à prendre des paris, à 9 contre 5, presque 2 contre 1, en faveur du démocrate Kennedy. À Londres, les bookies sont plus prudents, 13 contre 8 seulement, toujours Kennedy gagnant. Un cas curieux dans la presse américaine, celui du magazine à grand tirage Time, dont les sympathies pour le Parti républicain sont bien connues. Time a consacré la semaine dernière sa couverture et ses principaux articles au candidat républicain, le vice-président Nixon. Mais cette semaine, la semaine cruciale, la dernière avant les élections, couverture et articles de fond de Time sont sur Kennedy. Quant aux derniers événements du jour, c'est à Pierre Crenès que nous allons demander de nous les raconter. La campagne électorale prend un tour extrêmement violent à 6 jours des élections. Tous les coups sont permis et il ne s'agit plus de Quémoy ni de Cuba, arguments qui ne se sont pas montrés payants. Les problèmes nationaux reprennent le dessus au moment où Kennedy conquiert la Californie et où les républicains font un effort désespéré mais peut-être tardif pour s'assurer l'État de New York et ses 45 voix électorales. Le président Eisenhower est entré dans l'arène électorale en débarquant ce matin à New York, où avec Nixon et Lodge, il parcourt la ville et ses environs. Au moment où je vous parle, dans une voiture découverte, le président, le vice-président, Cabot Lodge et le gouverneur Rockefeller remontent Broadway en voiture découverte, sous les confettis et les serpentins, et dans un enthousiasme bien moins délirant que celui qui avait accueilli Kennedy dans cette ville traditionnellement démocrate. Kennedy maintient son avance, US News and World Report lui accorde 49% des voix et 45% à Nixon. Le magazine Time donne 306 voix électorales à Kennedy et 149 à Nixon. Il en faut 269 pour vaincre. Et le magazine Newsweek en donne 326 à Kennedy et 210 à Nixon. Quelque peu aux abois, constatant que les 4 grands États de New York, de la Californie, de l'Ohio et de la Pennsylvanie risquent de lui échapper, Nixon lance une violente contre-offensive, accusant son adversaire de mensonges flagrants. Un point noir, personne ne peut prédire l'influence qu'aura la question religieuse, dont personne ne parle, mais qui est à l'avant de toutes les préoccupations. Ici, Pierre Crenès à New York, à vous Paris. Les paris restent donc ouverts. Et maintenant, les dernières nouvelles de Téhéran. L'impératrice Farah Diva a pu se lever aujourd'hui. Elle quittera vraisemblablement la clinique vendredi dans 2 jours. Pour le bébé, il va, on ne peut mieux. Sa maman lui donne la tétée toutes les 4 heures. Entre-temps, comme tous les bébés, eh bien mon Dieu, il dort. Vendredi, circoncision du petit prince. Ce sera une grande cérémonie religieuse en présence de l'imam de Téhéran. Dans quelques jours, quand le bébé aura, lui, 7 jours, il sera baptisé. Seul, le chat et l'impératrice, pour l'instant, savent le nom qu'on lui donnera. Reza, comme son grand-père, ou Cyrus, comme le grand Cyrus qui fonda l'Empire perse, voici 2500 ans. Il se pourrait même, d'après certaines rumeurs, qu'il porte les deux prénoms à la fois, Reza, Cyrus, ce qui arrangerait tout. Acquittement sensationnel à Londres, celui de l'amant de Lady Chatterley. Il aura fallu 13 jours aux jurés anglais pour rendre leur jugement. Mais ce jugement est maintenant définitif. Le livre fameux de Lawrence, qui relate par le menu les amours passionnés de Lady Chatterley avec son robuste garde-chasse, n'est absolument pas un livre obscène. Mais je viens de demander à Jacques-Olivier Chattard ce que l'on en pense à Londres. Lady Chatterley est innocente, titre les journaux du soir londoniens. Eh bien, cela signifie que la couronne a perdu son procès contre les éditions Penguins. Cet après-midi, en effet, les jurés du tribunal de l'Old Bailey à Londres, 9 hommes et 3 femmes, ont décidé à l'unanimité, après 3 heures de délibération, que l'amant de Lady Chatterley n'est pas un roman obscène et qu'il peut être mis entre toutes les mains. Les écrivains, professeurs, critiques et éditeurs qui, depuis 6 jours, suivaient ce procès littéraire, ont applaudi le verdict. Il y a 32 ans, D.H. Lawrence achevait son roman. Dans quelques jours, les Anglais vont enfin pouvoir l'acheter librement pour 3 schelins 6, c'est-à-dire 2 nouveaux francs 50. Ce soir, déjà, on empile dans les camionnettes les 200 000 exemplaires de l'édition populaire complète qui étaient entassés depuis 2 mois dans les entrepôts de la maison Penguins, en attendant que les jurés se prononcent. Le procès va coûter plus de 140 000 nouveaux francs à Sir Alan Lane, directeur des éditions Penguins, mais il compte bien les regagner rapidement grâce à la publicité gratuite qui a été faite autour du livre. Ici Londres, à vous Paris. Oui, je crois, Jacques-Olivier Chattard, que l'on peut prédire sans trop s'avancer le plus grand succès au volume de Lawrence. Une nouvelle presque sportive maintenant, Marie Marvin, la fiancée du danger, comme on l'a appelée, car toute jeune déjà, elle a traversé la Manche, elle a déjà piloté tous les avions. Marie Marvin vient de réaliser un nouvel exploit. Elle a volé sur un hélicoptère Jean 21. À vous, Nancy. Marie Marvin, pétillante, pleine d'humour et d'autorité, dans son appartement de la place Carrière à Nancy, au milieu de multiples souvenirs, trophées, photographies, coupures de presse, témoignages de sympathie et d'admiration venant de différentes sources, s'agite et veut convaincre. Marie Marvin, première femme pilote, inventeur de l'avion sanitaire, créatrice d'écoles de ski, a pratiqué tous les sports. Marie Marvin, pouvez-vous me dire quel âge vous avez ? J'aurai 86 ans le 20 février. Est-il exact que vous avez volé sur Jean 21 ? Je l'ai piloté, mais avec mon professeur Fourcou à côté de moi, qui avait les deux mains en l'air, donc je le pilotais. Mais je n'ai pas du tout l'intention de passer mon brevet sur hélicoptère. J'ai ceux de ballon, d'avion, d'hydravion, etc., mais pas ceux d'hélicoptère. Mais j'ai appris à le piloter, comme je vous le répète, n'est-ce pas ? Parce que justement, il faut connaître tous les appareils, surtout pour mon aviation sanitaire mondiale. C'est moi qui ai inventé les premiers avions pour transporter les blessés. Et alors c'est encore une nouvelle curiosité de votre part, si on peut appeler ça une curiosité absolument sans nuance. Curiosité utile. Tout ce que je fais, c'est toujours dans un but utile, n'est-ce pas ? De dévouement, de charité, de propagande, d'initiation pour les jeunes. Mademoiselle, je crois que vous pouvez encore, en quelques mots, rappeler, si vous voulez, brièvement, les débuts de votre carrière. Eh bien, à l'âge de 5 ans, j'avais déjà fait plusieurs kilomètres en mer à la nage. Ça, je tiens à le dire, c'est moi qui ai fait voter la loi de la natation obligatoire dans les écoles, par Herriot. Et Mme Herriot est encore là pour le dire, n'est-ce pas ? Malheureusement, elle n'est pas très bien appliquée. Et un beau jour, notre père Herriot m'a dit, allez, qu'on lui flanque sa loi de la natation et qu'elle ne... avec ça, et voilà. En somme, vous êtes un peu navré par les résultats aux Jeux Olympiques français, alors, de la délégation française. Ce sont tous des cul-de-jatte maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Ils ne font plus que de la moto, de la Vespa. Mais moi aussi, je suis champion d'auto. J'ai fait le circuit de Brescia en automobile. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre jure. Les rendez-vous de nos vacances, dans nos fusions. Le beau jour de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour lui garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir. Et nous partions comme gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, pour revenir dans ma vie, illuminant l'avenir, lorsque mon ciel est trop gris. On dit que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. ce pourrait être, tout le monde le souhaite, même si tout le monde n'a pas les mêmes vues et opinions sur le sujet, la fin des événements d'Algérie. Nous qui connaissons la suite, nous savons qu'il reste à vivre 1961 et une bonne partie de 1962 pour y parvenir. Mais le 4 décembre 1960, le fondateur de la 5e République donne une conférence de presse. Reste à régler l'affaire algérienne, pendante depuis 130 ans. À toute époque, il faut en convenir, nos pouvoirs publics se sont, dans l'ordre politique, tenus à l'immobilisme, d'autant plus que deux communautés profondément différentes cohabitaient en Algérie, que le caractère, la religion et aussi la misère de la masse nous la rendaient difficilement pénétrable, que des intérêts et des craintes ont fait barrage à l'évolution, que ce pays n'a jamais été ni une nation, ni un État, et qu'il manquait de cadres autochtones. Bref, nous avons fait, certes, beaucoup en Algérie, pour l'Algérie, mais nous n'avions pas fait, à temps, des choses qu'il aurait fallu faire, si bien que le bouillonnement a fait un jour sauter le couvercle. Depuis, le sang qui a coulé des deux côtés complique cruellement les choses. Et pourtant, qui sait si finalement ce sang ne fera pas avancer dans les esprits et dans les cœurs la raison et la justice. Il est vrai que le magnifique effort de pacification mené par l'armée et par l'administration et qui se combine avec les effets de la promotion musulmane et avec ceux du plan de Constantine ramène progressivement la sécurité sur l'ensemble du territoire algérien. Au commencement de l'année 1958, les insurgés tuaient par combat ou attentat, en moyenne 40 personnes chaque jour, civils et militaires, musulmans et européens. Au cours des dernières semaines, ils en ont tué en moyenne 8 par jour. Et en même temps, les pertes des insurgés diminue à mesure que l'insurrection est réduite. On voit que ce nombre de victimes, pour douloureux qu'il soit encore, ne justifie pas du tout l'impression de guerre acharnée que cherchent à répandre au dehors la propagande des insurgés et chez nous des clans à parti pris et des feuilles à sensation. On peut même envisager le jour où nous déciderions d'interrompre l'emploi des armes, sauf les cas de légitime défense. Mais cette amélioration, pour constante qu'elle soit, ne résout évidemment pas le problème fondamental. Ayant repris la tête de la France, j'ai, on le sait, décidé en son nom de suivre un chemin nouveau. Ce chemin conduit non plus au gouvernement de l'Algérie par la métropole française, mais à l'Algérie algérienne. Cela veut dire une Algérie émancipée, où c'est aux Algériens qu'il appartiennent de décider de leur destin, où les responsabilités algériennes seront aux mains des Algériens et où, comme d'ailleurs je crois que c'est le cas, l'Algérie, si elle le veut, pourra avoir son gouvernement, ses institutions et ses lois. L'Algérie de demain, telle qu'elle sera décidée par l'autodétermination, peut-être faite ou bien avec la France, ou bien contre la France. Et celle-ci, je le déclare une fois de plus, ne fera opposition, aucune opposition, à la solution, quelle qu'elle soit, qui sortira des urnes. Si cela devait être la rupture hostile, eh bien, nous ne nous acharnerions certainement pas à vouloir rester auprès de gens qui nous rejetteraient. ni engouffrés dans une entreprise sans issue et sans espoir. Nos efforts et nos milliards, dont l'emploi est tout trouvé ailleurs, nous laisserions à elle-même. L'Algérie, tout en prenant, bien entendu, les mesures voulues pour sauvegarder ceux des Algériens qui voudraient rester français, et d'autre part, nos intérêts. Mais si au contraire, comme je le crois de tout mon cœur et de toute ma raison, il s'agissait d'une Algérie où les deux communautés, musulmanes et françaises de souche, coopéreraient avec les garanties voulues, et une Algérie qui choisirait, comme c'est le bon sens, d'être unie à la France pour l'économie, la technique, les écoles, la défense, alors nous fournirions à son développement matériel et humain l'aide puissante et fraternelle que nous seuls pouvons lui donner. Car si l'œuvre de la France vis-à-vis de l'Algérie doit changer de nature et de forme, elle demeure indispensable pour le progrès humain. Encore faut-il qu'on puisse y voter, et y voter dans l'apaisement. C'était les années 60. Aujourd'hui, 1960, deuxième émission. Archives INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evano. Mixage Marie-Dominique Bougot, réalisation Annie Douel, une émission de Philippe Garbi. À suivre.